Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Question 100. Des enfants quant à la justice. Les hommes seraient nés dans l'état de justice, mais sans être confirmés dans la grâce. 1. Les hommes seraient-ils nés dans l'état de justice? L'homme engendre naturellement son semblable sous le rapport de l'espèce. Or, qu'était-ce que la justice originelle, sinon un présent que Dieu avait fait à la nature humaine entière, c'est-à-dire une faveur qui se rattachait à la nature de l'espèce? Ce qui le prouve, c'est que le péché originel, qui est l'opposé de la justice originelle, est appelé un péché de nature, et c'est pour cela qu'il est transmis aux descendants. Les hommes seraient donc nés avec la justice, semblable en cela à leurs parents. 2. Les enfants auraient-ils été confirmés dans la justice dès la naissance? Il ne faut pas s'imaginer que les enfants nés dans l'état d'innocence auraient été affermis dans la justice immédiatement après leur naissance. Lors même que leurs ancêtres n'auraient pas péché, il pouvait se faire que les descendants péchassent et devinssent des enfants de colère par le mauvais usage de leur libre arbitre.